Mais oui, crois-moi, j'ai perdu la foi. Ce soir de bal où tu as disparu, tu m'as planté là après un dernier cha-cha-cha, me laissant seul avec mes rêves perdus. Et nous vivions sous un toit grisé par un air de cha-cha-cha, à trois de temps long et de temps court. Parfois je pense à toi, mais c'est comme un air de cha-cha-cha qui vient bercer tous nos chagrins d'amour. Mon cœur a volé en éclats en maudissant tous les cha-cha-cha, cha-cha-cha. Dans les champs de melon, le soleil est tout bas, mais toi tu n'es pas là pour le voir se coucher. Mais le temps est bien long, comme un bon vieux cha-cha-cha qui n'en finit pas de nous hypnotiser. Mais nous vivions sous un toit grisé par un air de cha-cha-cha, trois de temps long et de temps court. Parfois je pense à toi, mais c'est comme un air de cha-cha-cha qui vient bercer tous nos chagrins d'amour. Mon cœur a volé en éclats en maudissant tous les cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Glissant sur le parquet. Et nous vivions sous un toit grisé par un air de cha-cha-cha, trois de temps long et de temps court. Parfois je pense à toi, mais c'est comme un air de cha-cha-cha qui vient bercer tous nos chagrins d'amour. Mon cœur a volé en éclats sans tous les